Bonjour, il y a certaines choses que je tiens à dire par rapport là, à la prise de décision. Encore là, encore maintenant, il y a des gens là, par rapport à, ils se situent par rapport à une prise de décision. Or, ça, c'est réactualiser, si on peut dire, une certaine subjectivité liée au libre arbitre qui est illusoire. Il faut comprendre que nous sommes rattachés à de la mémoire, donc à de la programmation qui assume à notre place l'énergie que nous n'assumons pas. Et quelqu'un qui se positionne par rapport à une prise de décision est en quelque sorte divisé en lui-même. Il retourne dans le mental réflexif, il retourne dans le mental psychologique parce qu'il est décentré. Quelqu'un qui voit en temps réel ce qu'il a de plus logique à faire, ne prend pas de décision, il n'a pas à réfléchir, il n'a qu'à laisser aller un mouvement, il n'a qu'à laisser aller une énergie qui sort des programmes et est réacheminée à l'ego, c'est-à-dire qu'il sort du réactif et il entre dans l'actif. Donc, il est créatif. Il développe de plus en plus d'identité, il développe de plus en plus de présence, il est de plus en plus réel. Et en ce sens-là, il voit en temps réel, il ne se positionne plus dans son expérience, il positionne l'expérimental en dehors de lui parce qu'il est centrique. Donc, il n'y a plus à avoir de décision à prendre, il n'a plus à réfléchir, il voit en temps réel ce qu'il y a de plus logique à faire et il avance beaucoup plus vite car il laisse aller un mouvement qui va de lui-même et ça, c'est lié à la certitude de sa conscience. Quelqu'un qui prend des décisions vit du doute par rapport à sa propre conscience. Il est dans le mental réflexif, il est dans le mental psychologique, il n'est pas créatif, il n'est pas réel. Merci. C'est des lois implacables, planétaires. Fait qu'on n'a pas le choix. Dans le sens que c'est parce qu'on n'a pas le choix aussi que ça peut être possible. Si l'être humain avait vraiment un libre arbitre, il évoluerait pas. Et là, le libre arbitre, c'est sa psychologie. C'est ça le libre arbitre qui a été donné. Mais c'est une illusion. Mais il reste que là, on le sait. Mais il reste, ça avait été donné pareil. Je veux dire, ça fait partie de quand tu te fais. Ça a créé des hordes du confort, ben, c'est sûr que ça va te prendre un gouvernail, que tu es dans l'illusion que c'est toi qui le mène. Mais il reste, ça va tout le temps t'amener exactement où il faut que tu ailles. Le consentement, c'est comme le libre arbitre? Non. Pas tout à fait. De toute façon, il s'agit ici de concepts. Vous savez, là, c'est des concepts intellectuels, le consentement. C'est quoi réellement le consentement? Si on le regarde psychologiquement, le consentement, il se tient en lui-même au niveau de l'intellect. Mais si on le regarde occultement, le consentement est une illusion. Parce que si l'être humain possédait réellement un libre arbitre, ça voudrait dire qu'il possède réellement une vue objective. Or, si l'être humain possédait réellement une vue objective, il verrait toujours en temps réel ce qui est de plus logique à faire et il n'y aurait pas de choix. Il n'y aurait pas besoin de faire de choix. Tout irait de soi. Donc, de quoi parle-t-on? Voyez, là, c'est subtil, là. C'est au niveau des illusions, des réflexions de l'ego psychologique que toutes ces choses-là peuvent se tenir. Mais dès qu'on en sort, qu'on le regarde occultement, on se rend compte que ça fait partie des illusions psychologiques de l'ego. C'est contextuel, le libre arbitre. Donc, s'il y aurait une connaissance parfaite du contexte, là, il y a une objectivité qui se crée en dehors du contexte et il y a une vue objective, mais il n'y a plus besoin de libre arbitre à ce moment-là. Parce que l'ego va voir toujours ce qu'il y a de plus logique à faire. En temps réel, il va agir d'une façon autorégulée à des lois de logique puis d'intelligence réelle, puis c'est pas dans ça qu'on est encore. Donc, ça fait 10 ans que je dis la même chose de différentes façons. Votre libre arbitre, c'est dans le fond, c'est ce qui vous a été donné pour votre survie dans votre incarnation, parce que vous êtes l'être humain, il y a un intellect qui réfléchit. Donc, c'est quoi le libre arbitre? C'est quoi le libre arbitre? Ben, c'est juste ce que il est appelé le mental inférieur. C'est juste ça, ou la conscience psychologique. Donc, la capacité de dire moi je prend une décision, entre autres, donc la conscience psychologique. Mais s'il n'y avait pas de conscience psychologique, il n'y aurait pas possibilité de conscience pantoute. Puis il reste que au niveau du libre arbitre, comme je le dis depuis 10 ans, l'affaire c'est que pourquoi est-ce qu'on est forcé de prendre des décisions? Parce qu'on sait pas. Ben oui, si on savait ce qui est le plus logique à faire, on ferait tout le temps la bonne affaire, puis on n'aurait pas à décider de rien. Ça serait la volition, la volonté serait un mouvement fluide qui irait de soi, puis il n'y aurait pas de tension au niveau décisionnel, par exemple. L'affaire, c'est que on peut pas nier que le libre arbitre existe parce que ça a été donné à l'homme pour sa survie. Le mental psychologique existe. Le mental existe, la conscience psychologique existe, vous la subissez. Vous me ferez pas croire que ça n'existe pas. Donc, c'est ça, là. Là, l'affaire, là, prendre des décisions, c'est parce qu'il y a une différence entre... Vous savez, si vous faites une erreur, c'est parce qu'il manque des données, par exemple. Donc, on ferait une erreur, on prend une mauvaise décision. Ça, c'est au niveau de la logique, de le discernement entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, si vous voulez. Mais il y a aussi la morale. Là, c'est pas pareil. Parce que quelqu'un qui commet une faute, là, c'est pas une erreur, c'est une faute. Il le sait. OK? Donc, il y a du monde qui vont faire, ils vont commettre des fautes sciemment, puis c'est une décision qu'ils ont prise. Ça arrive. De toute façon, s'il n'y avait pas la conscience psychologique, vous n'auriez pas la capacité de dire, ben, j'ai pris la mauvaise décision, puis là, il n'y aurait pas capacité d'intégration, puis dans une situation semblable, puis tout avoir la réflexion au niveau de votre mémoire, de votre vécu, de votre expérimental, de dire, ben, je ne vais pas prendre la même décision que la dernière fois. À moins que la programmation soit plus forte, puis là, il y a une répétition tout le temps. Mais même là, votre conscience psychologique est censée le voir, puis dire, pourquoi je suis tout le temps dans le même pattern, puis blablabla. Ça, c'est de la conscience qui combat des programmes quelque part. Mais là, nier le libre arbitre, c'est peut-être une des rares choses réelles qui nous a été donnée. Même s'il y a de l'illusion dedans, oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est une illusion d'optique, fait que vous ne voyez pas quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est pas là. Ou l'illusion en elle-même existe. Parce qu'il y a un effet. Ou il y a des conséquences. Mais dans le fond, là, l'affaire de nier le libre arbitre, c'est parce que ça déculpabilise ça. Hein? Il y en a bien qui aiment ça. Ils veulent se déculpabiliser. Mais là, c'est parce que ça n'a plus rapport. Il y a une différence entre faire une erreur puis commettre une faute. Puis ça, le monde n'aime pas ça parce que ça engendre une notion de culpabilité. Puis là, on est pris avec des histoires de rédemption. Puis ça, le monde n'aime pas ça. Puis là, il tombe dans l'alourdissement, l'expérimental, l'incarnationnel, le mémoriel expérimental qui alourdit l'âme, le karma, puis blablabla. À un moment donné, là, il va falloir arrêter. Il y en a qui aiment ça, c'est ça qu'ils veulent.